Et Lokaya, la classe et la différence. Paul Alex, une venu de l'Afrique. Ah, vous faut ici, moté. Malangana, ce n'est pas si. Pour mon côté, à quoi pour entrer ma visite. Lenge fondera mes sacs. La kilo sa gavalina moto. Mise mes sana, cocate la lola mobile ina monoko. Lenga mes sana na yo. So, kinzo comme colo a comio le mami non aye. Esa fascina pour mi fotomola et ni alipa. Mon analyse mouya mama. Tura katese miango e kota ki wake sose la bota. Mana yena mokili a la be. Kukia ta ome miya na yusina niliki. Et ça va se faire quoi piquer pour ça nous salanaye. Que ce soit gentil et sa chauffeur na taxi. Et ça va se faire des vaquer na et pas pour tactiquer. Non, lisa pour ça quoi les gens. Le terme, il est juste l'image de la déterre. Vous avez le bouquin à mon thème et si qualité révise. Si Permancesco de Lando, Dani Banzu, Magali Talo, moi c'est mon conti. Non, le terme, il est juste l'image de la déterre. Le président Jean-Marie Kikonda, le maréchal Junior Tchekfou. C'est qui est la vie, l'éternel n'oublie jamais. Ata Molili, histoire de mon lioté. Namo Kongonaye, Baka Ezali, Vito Lukaya. Toko la Beba, Terepe, Aka Nasona Toto. Koro Aïda, Tite, Oya, Ea, Ea, Mama. Habit Chogam Star, Claude Manhattan. Histoire de mon lukaya, Oka Namote Mati. Linda qui s'en sort. William de Singa. La ville Mbassi, Kandisa, prison Makangwe. Patrick Demouchi, Lieven Dongala, Amis Impress de Lyon, Gaz na Gaz, Amba Boto, Willy Kaninda, Noël Pacheco, Batumba la Kashogi. Jean-Marc Simbi, Joli Togo, Boss Mathieu, Nene Poupesaï, Laure Sola, Perola, Titi Chibasu, Emani Kiala, Hérode Tiongo Juriste, Inspecteur John Matonou, Fortiné Kouika, Ingénieur Kamalwanda Yaya Baleki, Digi Bilele, Emani Kiala, José Mbueno, Alain Fortuna, Dadi Banzoué, Atou Alunga ya Mirai, Benjamin Poumon Poutouba Benji, Nadi Gwengi Tababou, Rebecca Ngimbie, Josiane Mondele, Irene Mboma, Brinsilia Mbemba, Patrick Efonja,